Quand la Drée se vit sain et sauf à la rive, il eut grande envie de planter la petite fadette là et de s'en sauver à la Bessonnière. Mais il n'avait point le cœur ingrat. Il ne voulut point la quitter sans la remercier. « Voilà la seconde fois que tu me rends service, Fanchon Fané, » lui dit-il. « Et je ne voudrais rien si je ne te disais pas que je m'en souviendrai toute ma vie. Peut-être bien que tu l'aurais passé sans peine ni danger si tu n'étais pas si sot, » répondit la fadette. « Je suis contente de te voir comme cela. » « Et pourquoi n'êtes-vous contente, Fanchon Fadé ?»« Parce que je ne vous aime point, » lui dit-elle d'un ton méprisant. « Et pourquoi est-ce encore que vous ne m'aimez point ?»« Parce que je ne vous estime point, » répondit-elle. « Ni vous, ni votre Besson, ni vos pères et mères qui sont fiers parce qu'ils sont riches et qui croient qu'on ne fait que son devoir en leur rendant service. Ils vous ont appris à être ingrat, Landry, et c'est le plus vilain défaut pour un homme après celui d'être peureux. Si je suis fautif, Fadette, ne l'imputez qu'à moi. » Ni mon frère, ni mon père, ni ma mère, ni personne chez nous n'a eu connaissance du secours que vous m'avez déjà une fois donné. Mais pour cette fois-ci, ils le sauront, et vous aurez une récompense telle que vous la désirerez. Ah, voilà bien orgueilleux, reprit la petite fadette. Moi, je n'ai besoin ni envie de vos dons, et je méprise tout ce qui viendrait de vous, puisque vous n'avez pas eu le cœur de trouver un pauvre mot de remerciement et d'amitié à me dire depuis tantôt un an que je vous ai guéri d'une grosse peine. Je suis fautif, je l'ai confessé, fadette, dit Landry. Mais c'est qu'aussi, il y a un peu de votre faute. Ce n'était pas bien sorcier de me faire retrouver mon frère, puisque tu venais sans doute de le voir pendant que je m'expliquais avec ta grand-mère. Et au lieu de me faire donner une parole qui pouvait me mener loin, tu m'aurais dit tout de suite, dévale le pré, et tu le verras, au rivet de l'eau. La petite fadette lui dit, si vous étiez venu le lendemain de l'affaire me dire une parole d'amitié, vous auriez su tout de suite que je ne voulais point de paiement, et nous serions amis. Au lieu qu'à 7 heures, j'ai mauvaise opinion de vous. Et j'aurais dû vous laisser débrouiller avec le follet, comme vous auriez pu. Bonsoir, Landry de la Bessonnière. Allez sécher vos habits. Allez dire à vos parents. Sans ce petit guignon de grelet, j'aurais, ma foi, bu un bon coup ce soir dans la rivière.